parle d'amour. Moi je te parle de ce que je connais. 94 je connais. Oh, check. Check. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel, OMIC. Si t'es pas de chez nous, c'est dead. Y'a un intégral, j'suis disque de béton. Renoir, sans coup de main ni coup de chat, boum, tchac. Louche pas dans mes affaires, couche pas dans mon flow. Bizarre, ton son, vaut pas une paye, livre à pizza. Arrête de me check, j'suis pas ton sauce. Génération, t'inquiète, rien que tu prends des pépettes, mais rien que tu suces. Hausse, pas le ton quand j'ouvre le bal. Une boîte d'hostos, balle, porte du ban, ton trou de balle. Arrête de taper, prends des euros. Ce qui ne tue pas, en plus fort ou handicapé. 9-2 comme d'hab, I comme d'hab, vénère. J'attire la foudre, j'fais pas trop de concerts en plein air. C'est racailleux. Y'a des scuds dans mon caillam son. Canon scié dans mon caleçon, c'est mort, ça y est. Premier round, corps escale pas. Joué dans les saloons, pas dans les boums. J'en parle d'amour. Boum, tchac, te parle de ce que je connais. Mais j'en parle d'amour, je te parle de ce que je connais. Les rues de ma ville, tout ce que je connais. Moi je sais où je vais, d'où je pars, d'où je pars. Engagé sur le bateau, les rats savent nager. Négro. Les bad boys évitent la cellule, les filles évitent la cellulite. Dans fraude au crépuscule, j'ai vu du sang couler en litres. Nesbill, marocain c'est le filtre. Nos mères atteignent la retraite avec l'arthrite. La vie qui faut se battre comme un fauve dans la faune. Réussir avec des gaziers troués comme la couche d'ozone. Dimanche pas de chance, ça fornique fort les Amazones. Pas le droit à l'erreur, un verbal brolique dans les chromosomes. Prison sans mur, laisse tes bijoux à la fouille. Bisous de la mort, salaire de la peur, raté du crime, tire sur la foule. Ses doigts sur la détente, la bac pas en patrouille. Au pays, c'est plombé par la France, 49 dépouilles. Une balaf, un West Af, si y'a pas de star. C'est pas les gnawa, mais les keufs qui nous font j'tard. Sont de pillards, elles font l'Acadia, corbillard. Phare éteint sur le périph', décris mon destin de banlieusard. J'en parle d'amour, je te parle de ce que je connais. Les rues de ma ville, tout ce que je connais. Moi je sais où je vais, d'où je pars, d'où je pars. Engagé sur le bateau, les rats savent nager. Négro. J'en parle d'amour, je te parle de ce que je connais. Les rues de ma ville, tout ce que je connais. Moi je sais où je vais, d'où je pars, d'où je pars. Engagé sur le bateau, les rats savent nager. Négro. Un verre de Jack, boom Jack, toujours OP. Instinct animal trop développé. Pourquoi vouloir tester B2OB? Tu ferais mieux de te détendre, de prendre un verre ou de gober. Je pourrais te mettre un pointard ou de lober. Mais je suis venu niquer la France par l'ambiance. Reste sur la piste de danse. J'apporte un peu de couleur comme un Tessan. Dédicace à la 330 et la dinde à la Tessan. Je suis dans les charts, les chars et dans les chats, bâtard. On met des lames de rasoir dans ton écharpe. Femelle et mâle dominant, violence normale. J'suis du parfum dans une grenade, c'est boulot une tornade. Nique les forces de l'ordre, écoute c'est le chant du 6 cylindres. Elle passe la frontière, les plaquettes planquées sous la calandre. À la gorge une corde, j'ai vu la dalle ce que ça engendre. Nous pisse ma horde, ça baisse pas sans gingembre. La rue son dunk, jamais tourné le doigt une seringue. Retire ton string, joue pas les balles tringues. On aime les histoires dans mes flingues. On aime les histoires où les balances font grosser. Gardez l'honneur, scoder, c'est mon rap n'a pas de succès. Couleur charbon, c'est du goudron qu'a dans nos biberons. Nouer le dialogue impossible comme un CRS sans son litron. A chaque époque, c'est pharaon, trop bouillant. Le crime, un échantillon, la rachète puis que j'suis embryon. Les gens parlent d'amour, je te parle de ce que je connais. Les rues de ma ville, tout ce que je connais. Moi je sais où je vais, d'où je pars, d'où je pars. Engagé sur le bateau, les rats savent nager. Négro, négro. Toujours danger.